Fuck ta ligne de siège, j'suis dans le taga, j'suis dans ta gasse. Un verre en trop, c'est 10 ans de placard sur une bagarre. J'suis du procès, j'suis dans le 4-4, j'suis dans ta chatte. Aucune tata, c'est irremplace, ça fait pas blata, on est pasta. Mais malgré ça, ça tape jamais dans la C. C'est jamais dans la pasta, j'vais pas de gré. C'est la patte, j'vais t'agré. C'est bâtard, on a C. C'est pas chaf, j'ai les plomos. Poto, tu vas me laisser le plata. Hey. J'en de plus en plus de te traits dans l'œil de Judas. Beaucoup ont disparu, c'est le triomphe des Bermes. Vous êtes beaucoup de fils de putain, j'reviens plus tard. On va voir qui va se cacher derrière des frères. Poto, l'amour, c'est ce que je réclame le moins. J'finis mes phrases avec une arme de poing. Même ceux qu'on la foi drague les titres peu du coin. Je les vois comme une halle avec une âme de joint. On est noyé dans la passe pour la plupart. T'aimes beaucoup trop la vie, résulte à la Morgane. Je connais des mecs de l'Est dans le trafic de meurtre. Dans le trafic de narcotiques, dans le trafic d'organes. Et ta pétasse mérite qu'un coup de bite. Je parle malin pour toi, la rue c'est radical. On peut te faire exécuter sur un coup de fil. Final, ça nous coûtera même pas 10k. Hey. Fils de pute, t'as fait de la casse, tu repasses à la caisse. Classe, calibre dans la veste, là je vends moi l'adresse. Je tolère pas les messes, bah je me pète un pour 7. Place, mets vos crabes aux fesses, plate, t'écoutes pas la haise. Arrêtez de me comparer, déjà connu, jamais rasé les murs en maison d'arrêt. Maintenant je me tiens un chaos, j'ai plus rien à déclarer. Ils sont contraires, ils veulent que tous mes plans soient contre caille. Gros, j'ai ramé contre vents et mal, jamais je m'arrête. Je tolère pas la défaite, je suis trop baron, je suis trop marocain. Tu nous vois taper des barres, tu nous as pris pour des tames. En bas de chez ta pute, on t'attendra avec les phares éteints. Viens pas me sourire comme un frère, t'es oppressé par le seum. Mais c'est pas de ma faute si t'es introduit que t'es pas seul. Les fils de pute comme toi, on les connaît, on les laisse parler seuls. On commence par les grand-mères, on finira par les sœurs. Hey, elle a mis du creux, mais elle verra pas mes sous. Même s'il y a du sang caché dans son tiramisu. A défaut de la ta, pas t'as ressenti la risou. T'es juste un détail, un petit problème à résoudre. A vouloir l'unité, je me suis cassé la voix. La violence et la race sont très révélatoires. Ouais, la rue c'est rasoir, je l'ai dit maintes et maintes fois. Qui t'a dit que la part des affaires c'était à toi, hein? Qui c'est qui a dit que la part était à toi, raconte-moi. Ouais, qui c'est qui a dit que c'était à toi? Frère d'Adigno. Ta gueule, d'Adigno, il est mort. Maintenant, c'est ses pequeños, enfoirés.